Jean Bosco, Ndoui Man. Bonsoir, merci d'être avec nous dans ce journal. La dernière édition de cette soirée du 23 septembre 2016. En voici tout de suite les grandes articulations. La répression contre les présumés opposants burundais n'a pas épargné le secteur des forces de défense nationale et de la police burundaise. Selon un rapport de la Ligue ITK, le président de cette organisation demande aux militaires et policiers de ne pas céder aux manipulations politiciennes. Et le ministre en charge des droits de l'homme dit avoir vu ce document et qu'ils sont en train de l'exploiter, précisant que les agents des corps de défense et de sécurité ne sont pas au-dessus de la loi. Le rapport des experts des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme au Burundi suscite des réactions controversées dans les milieux politiques burundais. Vous l'entendrez dans cette édition. Alors que des heurts entre des policiers gardiens de la prison de Muramvya et d'autres venus pour une fouille perquisition improvisée à cette maison pénitentiaire ont eu lieu, ceux qui voulaient s'introduire et mener une fouille perquisition n'ont pas réussi leur mission. Pas de bilan pour l'instant. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Rebonsoir. Une délégation de la médiation composée de 6 personnes séjourne au Burundi depuis dimanche. L'un des objectifs de sa mission est de transmettre à tous les acteurs impliqués dans le processus du dialogue extérieur interburundais le rapport que le facilitateur Benjamin Mkapa a transmis au chef d'État de la communauté est-africaine qui se réunissait au sommet de Dar es Salaam du 8 au 9 septembre. Tassien Sibomana, le porte-parole du parti UPRONA, non reconnu par le gouvernement, dit que les chefs d'État de la sous-région et la médiation sont responsables pour faire pression à toutes les parties prenantes pour le bon déroulement du dialogue. Suivez Tassien Sibomana au micro de Dorine Ndaïrorere. Sa mission première est articulée sur trois objectifs essentiels. D'abord, c'est de transmettre à tous les acteurs impliqués dans le processus du dialogue extérieur interburundais le rapport que le facilitateur Mkapa, aujourd'hui désormais médiateur, a transmis au chef d'État de la communauté est-africaine au sommet de Dar es Salaam les 8 et 9 septembre 2016. Le deuxième objectif de leur mission, c'est d'entendre de tous ces acteurs leurs avis et considérations sur le rapport transmis et les résultats issus du sommet de Dar es Salaam. Et enfin, le troisième objectif, c'est d'entendre de la bouche de ces acteurs la voie à suivre, comme on dit en anglais, « the way forward ». Et on a profité de cette occasion justement pour leur montrer nos priorités, pour leur montrer ce que nous avons à proposer comme voie de sortie de crise. Espérez-vous que cette délégation de la médiation a convaincu les partis en conflit pour le bon déroulement des négociations à Arusha? D'abord, la mission de cette délégation n'était pas de convaincre, mais je pense que beaucoup plus les chefs d'État de la sous-région et la médiation proprement dite sont plus responsables pour faire pression à toutes les parties prenantes à ces négociations afin qu'elles adhèrent au principe du dialogue inclusif. Et c'est d'ailleurs cela qui ressort des recommandations que le médiateur a faites à ses chefs d'État et laquelle demande a été exaucée par les chefs d'État parce que toutes les demandes que le président Mkapa a formulées à l'endroit de ses chefs d'État ont été reçues favorablement. Nous osons espérer qu'ils joindront la parole à l'acte. Tassien Sibomana de l'UPRONA, non reconnu par le gouvernement. Des heurts entre des policiers gardiens de la prison de Muramvya et d'autres venus pour une fouille perquisition improvisée à cette maison pénitentiaire ont eu lieu ce vendredi matin. Ces policiers qui voulaient s'introduire par force dans cette prison ont rencontré la résistance farouche de ses locataires. Selon des sources concordantes sur place, il y aurait eu des tirs à balles réelles et des gaz lacrymogènes dans cet échange entre ces agents de la police. Ceux qui voulaient s'introduire et mener une fouille perquisition n'ont pas réussi leur mission. Selon nos sources, même le directeur de cette prison, qui était d'ailleurs absent des lieux, n'avait pas été avisé de cette fouille. L'Organisation de défense des droits de l'homme, la Ligue ITK, a sorti un rapport dans lequel il s'inquiète des menaces perpétrées à l'endroit de certains agents des corps de défense et de sécurité depuis le début de la crise que traverse le Burundi. Le président de cette organisation déplore que ces corps de défense, qui sont le résultat de l'accord d'Arusha, soient ainsi traités. En chair, Nicolas Guizet leur demande de ne pas céder aux manipulations politiciennes. Suivez. Je voudrais souligner que le corps de sécurité est l'une des fruits les plus délicieux que à porter l'accord d'Arusha. Et voilà, pour le moment, nous manquons que le pouvoir en place est en train de tout faire pour diviser. Pour nous, nous avons fait cette enquête pour arrêter. Arrêter les dirigeants de la police, arrêter le pouvoir du Burundi, arrêter la communauté internationale. Le résultat que nous avons eu grâce aux accords d'Arusha ne sont pas dissous. Donc pour nous, vous voyez dans nos bilettes, il y a beaucoup d'ex-femmes qui sont assassinées, qui sont arrêtées. Donc c'est ça pour nous, nous arrêtons pour qu'il y ait plus de disparition d'un militaire, qu'il soit autour. Pour nous, la police et les militaires devraient être exemplaires, et devraient être exemplaires de toute catégorie. Donc c'est à eux de sauvegarder leur unité. De ne pas céder à l'instrumentalisation d'eux, ils devraient montrer qu'ils sont à la hauteur de toute division, à la hauteur de tout ce qui viendrait pour le diviser. Le président de la Ligue ITK en chair, Nico Yagize, et le ministre des Droits de la Personne Humaine, Martin Ivzabandi, dit qu'ils ont vu ce rapport et informe qu'ils sont en train d'y travailler. Pour lui, le gouvernement n'est pas négationniste, mais il précise que les corps de défense et de sécurité ont des instances juridiques internes. Il l'a dit ce jeudi au cours d'une conférence de presse. Quant à la question des disparitions au sein de l'armée, ici nous voudrions vous informer que nous travaillons étroitement avec le ministère de la Défense nationale en tant que ministère, mais aussi l'armée, c'est encore un peu particulier avec certains mécanismes quand il s'agit d'arrêter les militaires au niveau de l'auditorat pour des questions de justice. Et ce sont des questions qui sont un peu particulières. Mais ce que nous faisons l'évaluation. Si les procédures ont été respectées, mais aussi quand nous devons protéger les droits de l'homme, on ne distingue pas le militaire, le policier, on ne distingue pas le civil, le religieux. Tout cela, ce sont des humains dont les droits doivent être protégés et nous le concevons comme tel. Bien entendu, il y a des situations, comme vous le savez, les militaires et les policiers, ils sont engagés au sacrifice suprême, peuvent se trouver dans des situations. Mais aussi, il y a des règles au niveau des conventions internationales. Là, c'est là où on vérifie que ces procédures sont respectées. Nous sommes au courant, la Ligue ITK vient de sortir tout un document sur cela. On est en train de l'analyser, on va travailler comme nous l'avons dit, le gouvernement n'est pas dans la logique de la négation. Mais nous devons évaluer cas par cas. Martin Ivzabandi, c'est le ministre en charge des droits de l'homme. Droits de l'homme toujours avec ses avis controversés sur le rapport des experts des Nations Unies en droits de l'homme. Selon le Frodebu Nyakuri Iragir Yandadaye, ce rapport est biaisé et il est aussi caractérisé de politique au lieu d'être technique. C'est le secrétaire général de ce parti, David Nyonchungu, qui l'a dit, expliquant que ces experts onusiens ont exploité les allégations de l'opposition uniquement. Suivez-les, il était au téléphone avec Evrard Hafzialiman. Le rapport des experts de l'ONU, comme nous l'avons entendu depuis avant-hier, l'empli des mensonges. C'est un rapport biaisé. Ce que nous avons entendu, le gouvernement n'a pas été contacté. Nous avons ce que ce rapport dit, que le gouvernement du Burundi est en train de planifier le génocide. Dans un premier temps, si l'ONU veut sortir en terre rapport, il doit d'abord contacter le gouvernement. Certains disent que c'est un rapport à caractère politique au lieu d'être un rapport technique. Qu'en dites-vous? Effectivement, c'est un rapport politique. Pourquoi? Parce que nous entendons souvent des politiciens radicaux qui sont en exil aujourd'hui et des activistes de la société civile sortis des déclarations disant il y a un génocide planifié par le gouvernement. Aujourd'hui, si tu vois les déclarations que les politiciens radicaux sortent et les activistes de la société civile, et si tu vois aussi aujourd'hui le rapport des Nations Unies, c'est vraiment, il n'y a pas de différence. Nous disons que les experts des Nations Unies, nous pouvons dire qu'à photocopier ce que les politiciens radicaux et les activistes de la société civile disent tous les jours. Et au parti UPRONA, on doute, des doutes persistent au sein de ce parti à l'égard de ce rapport des Nations Unies sur les droits de l'homme. Cela est dit par Abel Gachati, président de ce parti, qui fait savoir que les enquêteurs onusiens ont accusé le gouvernement burundais d'avoir été l'auteur de plusieurs crimes, mais en oubliant de souligner la part des groupes armés. C'était ce matin au cours d'une conférence de presse. Le parti UPRONA attire l'attention du public qu'aujourd'hui, ce n'est pas le moment de conclure que la situation sécuritaire au Burundi est explosive au risque de dégénérer à un génocide. Le parti IPRONA est maintenant satisfait de l'état sécuritaire dans notre pays en comparaison avec la situation de fin de l'année 2015. Actuellement, au Burundi, on peut circuler en toute sécurité sur tout le territoire national, de jour comme de nuit. Les Burundais, à toutes les ethnies confondues, cohabitent pacifiquement et cela donne l'espoir qu'il n'y a pas de génocide en préparation dans notre pays. Les enquêteurs indépendants des Nations Unies n'ont pas poussé en profondeur leurs investigations pour montrer le rôle des groupes armés soutenus par l'opposition radicale, comme si le drame qui a secoué notre pays est imputable uniquement au gouvernement. Les enquêteurs n'ont pas touché les gens qui devraient leur donner la lumière pour pouvoir produire un rapport du genre. On dirait que c'est un rapport qui a touché un seul côté qui est le gouvernement. Mais il faut reconnaître que la crise qu'a connue le Burundi a débuté avec les manifestations qui étaient organisées pour contester le troisième mandat. Le contenu du rapport ne cadre pas à la réalité burundaise. Un rapport qui, selon IPRONA, n'a pas été exhaustif. Lors des enquêtes, lors de la réalisation de ce rapport, IPRONA n'a pas été contacté pour donner sa contribution sur ce qu'il a vécu lors de la crise qui a secoué le Burundi l'année passée. Abel Gachati, président du parti IPRONA gouvernemental, et le parti Sawanya Frodebou estime que c'est normal que l'Organisation des Nations Unies fasse un rapport sur le Burundi, puisqu'elle comprend dans ses missions la sauvegarde de la paix et de la sécurité. Selon le porte-parole de ce parti, Phineas Nigaba, les signes de violation grave des droits de l'homme ne manquent pas, comme la disparition de certaines personnes. Il propose la continuité du dialogue déjà amorcé à Arusha pour trouver des solutions. Suivez Phineas Nigaba. Il s'entretient au téléphone avec Alain Désiré Wokeyenet. Les Nations Unies ont les missions de maintien de la paix et de la sécurité dans tous les pays, à la fois avec les droits de l'homme, les principes en rapport avec la sécurité, que ces principes sont respectés. Nous aussi, nous voyons qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Si on regarde les enlèvements qui se font, les disparitions des personnes, le climat de méfiance qui s'installe de plus en plus, le nombre de réfugiés qui augmente du jour au jour, on regarde comment les médias ont été détruits, les organisations de la société civile qui ne travaillent plus, on regarde comment les partis politiques qui ne fonctionnent pas, sauf ceux qui sont à côté du pouvoir. Tout cela, ce sont des indicateurs qui montrent que si rien n'est fait pour stabiliser le pays, on risque d'avoir d'autres problèmes. Qu'est-ce qui devrait être fait pour couper court aux violations des droits de l'homme, si tel est le cas au Burundi? Mais la solution est claire. Il faut qu'on aille au dialogue. Les Nations Unies, l'Union Européenne, l'Union Africaine et l'EAC ont déjà proposé une voie de sortie en donnant un médiateur au Burundi. Autre chose, il faut que l'accord d'Arusha soit respecté scrupuleusement. Il faut que la Constitution soit respectée scrupuleusement. S'il y a des changements qu'on peut opérer dans ces textes constitutifs, il faudra qu'il y ait une entente, il faudra que les concernés, les protagonistes s'assoient ensemble pour discuter, trouver des solutions pouvant aider le Burundi à sortir de cette impasse politico-sécuritaire. C'était Phineas Nigaba, porte-parole du parti Sawanya Frodebou. Et puisqu'on parle droits de l'homme, un jeune garçon du nom de Jean-Claude Ndikuriyo a été arrêté par la police de Kayokwe en province de Mwaro ce jeudi. Il était monté pour une cérémonie d'inhumation. Il a passé la nuit au cachot de Gihinga avant d'être transféré ce vendredi matin au cachot de Gihinga par les services nationaux de renseignement. Les membres de sa famille s'inquiètent. Nous avons au sein de notre famille un jeune garçon qui vit à Bujumbura, au quartier 2 de la zone Ngagara. Il est monté à Mwaro pour une cérémonie. Arrivé à la maison, la police opérant à Kayokwe est venue l'arrêter ce jeudi à 13h. Il est passé la nuit au cachot de la commune Kayokwe. Ce vendredi matin, la documentation est venue le prendre. Il est allé l'emprisonner au cachot de Gihinga. Nous l'avons rendu visite à la prison de Gihinga et nous l'avons vu. Nous avons vu que ce sont ces services de renseignement qui le détiennent là-bas. Les responsables de ces services nous ont dit que le week-end a déjà commencé et qu'il faut attendre jusqu'à lundi pour savoir la suite qui sera réservée à ce jeune garçon. Nous demandons à ce que ce jeune garçon soit protégé et que rien de mal ne lui arrive avant que sa culpabilité ne soit établie. Ce jeune garçon n'a jamais franchi les frontières burundaises pour aller dans un autre pays autre que le Burundi. Nous attendons l'issue de ce dossier. Voilà, c'était le témoignage d'un membre de la famille de Jean-Claude Ndikuriyo qui a passé la nuit au cachot de Kayokwe et non de Gihinga pour être transféré justement au cachot de Gihinga ce matin. Nous poursuivons ce journal avec l'éducation. La rentrée scolaire 2016-2017 pour l'enseignement de base et secondaire est fixée à la date du 26 septembre 2016. Confirmation du ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique au cours d'une conférence de presse ce vendredi. Madame Janvière Ndirahisha a également profité de l'occasion pour tranquilliser les parents que le calendrier scolaire ne sera pas perturbé. Roubé Ringabo Gildas. Dans cette conférence tenue ce vendredi, la ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a éclairé les gens sur la date de la rentrée scolaire 2016-2017. La rentrée scolaire 2016-2017 pour l'enseignement de base et secondaire est fixée au lundi le 26 septembre 2016. Face à une certaine opinion qui voudrait faire croire que cette rentrée scolaire accuse un retard, nous voudrions tranquilliser les parents et les enfants. Le calendrier scolaire est conçu de manière à assurer un temps d'apprentissage annuel suffisant. La rentrée scolaire 2016-2017 sera aussi marquée par le lancement de l'école d'excellence dans 6 lycées. Un concours ad hoc a permis de sélectionner 240 élèves qui seront accueillis en classe de 7e année dans ces lycées. Ces élèves seront tous internes. Concernant les lauréats qui, après avoir réussi aux examens trimestriels, mais qui n'ont pas réussi au concours, la ministre de l'Éducation dit qu'une deuxième chance leur est accordée. Les élèves de la 9e fondamentale qui ont obtenu au moins 90 points sur 200, comme ceux de 10e qui ont obtenu au moins 90 points sur 345, ils sont admissibles au redoublement en fonction de la disponibilité des places dans les différentes écoles. Pour dire que les textes réglementant le redoublement n'ont pas changé. Mais aussi, il faut rappeler à ces élèves que s'ils échouent cette année scolaire, ça veut dire qu'ils auront échoué. Donc, ils ne vont pas tenir compte de la réussite de l'année 2015-2016. Quant à ceux qui sont en dessous de ce score de 90 points, ils pourront venir s'essayer de nouveau au concours de 2017 en qualité d'autodidacte. Janvier Dilaïcha, la ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, demande à tous les responsables à différents niveaux de faire en sorte que le 26 septembre 2016 soit effectivement un jour du début des activités scolaires. Captez Isanganilo, écoutez la différence. On termine ce journal sur ce litige qui oppose certaines familles de la colline Kigeri-Mitteramo de la zone Ngagara-Mairie de Bujumbura à l'État du Burundi. Ces familles dénoncent la spoliation de leurs parcelles par l'État du Burundi au moment où notre reporter les a rencontrés auprès de la Cour spéciale Terre et autres biens. Ces familles disaient qu'elles étaient venues défendre leurs intérêts. Yves Nzimana. Ces familles qui dénoncent l'expropriation de leurs parcelles sont estimées à peu près à 680 personnes et disent qu'ils sont arrivés à Kigeri-Mitteramo en 1947, comme l'indique leur représentant. L'État veut prendre nos terres laissées par nos grands-parents. Vers 1947, nos parents vivaient à Mouha, au quartier Zeimet, à Kinindo. L'État était en train de déménager l'aéroport qui était au boulevard de l'Indépendance, près du stade Prince Louis Gwagasore, là où se trouve la présidence de la République, vers Mouha. C'est dans ce moment que nos parents ont été expropriés de leurs terres par le blanc bovin qui par la suite leur a attribué une seule parcelle à Kinama, où il cultivait. Par après, le roi Mwambutsa IV nous a donné la colline Kigeri-Mitteramo, c'est là où nous vivons jusqu'au aujourd'hui. Selon son représentant, ils ont saisi la Commission nationale des terres et autres biens au niveau provincial, qui par après a demandé au gouvernement burundais de présenter les preuves, mais en vain. Au niveau provincial, la CNTB a demandé à l'État de présenter les preuves puisqu'il expliquait qu'il a donné l'indemnisation lors de l'expropriation pour cause d'utilité publique vers 1954 à 1956, mais il n'a pas pu montrer ses preuves. L'État est en train de nous spolier parce que nous sommes des gens de rang inférieur. Il n'a pas de preuves justifiant que ces terres lui appartiennent. Ces familles interrogées expliquent que l'expropriation pour cause d'utilité publique n'est pas prioritaire pour eux, comme celui-ci l'indique. Ce qui est inquiétant pour le moment, c'est que mon adversaire a établi des bornes alors que le procès est en cours. C'est terrible quand on amène plus de 80 soldats et policiers dans les champs. Nous n'avons plus accès d'aller récolter dans nos champs. Comment allons-nous vivre? Ce que nous mettons en avant pour le moment n'est pas l'indemnisation pour cause d'expropriation, mais nous allons nous conformer au développement. Si nous ne sommes pas en mesure de mettre en application le programme de l'État, nos enfants pourront être capables de construire ces ouvrages que l'État veut y ériger. Toutes ces familles demandent à l'État de les rétablir dans leurs droits. C'était le reportage d'Yvain Honzimana et c'est par là que nous refermons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Albert Ndouayo pour la mise en onde. Au micro, Jean Bosco Ndouimana, nous vous souhaitons de passer une bonne soirée à l'écoute de nos programmes.